prendre des décisions, développer son équipe, transformer son entreprise, s'ouvrir sur le monde. Être manager, c'est relever des challenges au quotidien. Avec Germ, rejoignez 2500 managers et cadres dirigeants de TPE qui, comme vous, souhaitent partager leurs expériences, apprendre et progresser tous ensemble. Placer l'humain au cœur de la transformation du monde professionnel, c'est la vocation de Germ, le réseau de progrès des managers. On ne naît pas manager, on le devient. Rejoignez-nous sur germ.com. Troisième et a priori dernier chapitre de notre série consacrée à Einstein après la jeunesse et la relativité restreinte, la révolution de la relativité générale, nous allons nous intéresser à ce qui est peut-être l'un des plus grands malentendus dans l'histoire d'Albert Einstein. L'histoire des sciences aurait ainsi retenu qu'il était contre la mécanique quantique, que c'est un secteur de la physique qu'il méprisait ou vis-à-vis duquel il était extrêmement critique, ce qui est globalement faux. Einstein précurseur de la mécanique quantique, Einstein en quête d'une théorie du tout, Einstein convaincu par le principe de localité mais aussi la postérité des travaux d'Einstein et comment ses prédictions se sont traduites en observations et son héritage. Einstein, chapitre 3, l'héritage, c'est le programme un peu plus quantique qu'il n'y paraît, qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Mais bienvenue à la méthode scientifique. Et pour raconter cette troisième et dernière partie de la carrière scientifique d'Einstein et rétablir une partie de vérité sur son rapport à la mécanique quantique, nous avons le plaisir de recevoir Alain Aspect. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, professeur à l'Institut d'Optique et à l'École Polytechnique, auteur de Einstein et les révolutions quantiques. C'est au CNRS Édition. Et Olivier Darigol, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien des sciences, directeur de recherche CNRS au laboratoire Sphère à l'Université Paris Diderot. Mais on commence par un tour quotidien de l'actualité scientifique et c'est avec Natacha Triou pour le Journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer, selon une étude parue aujourd'hui dans la revue Frontiers in Forest and Global, seul 3% des écosystèmes mondiaux seraient intacts. Oui, 97% des habitats terrestres ont perdu leur intégrité écologique. Alors quand on parle d'intégrité écologique, on parle de zones naturelles qui ne sont pas endommagées par les activités humaines. Il existe un indice d'intégrité écologique qui prend en compte l'exploitation des sols, la perte de la biodiversité et la bonne santé d'un écosystème. Alors, les chercheurs ont utilisé des cartes des aires de répartition de 7000 espèces animales et végétales qu'ils ont combinées à des cartes sur les dommages causés sur les habitats naturels. Alors, selon leur nouvelle cartographie, seuls 2,9% de la surface terrestre peuvent être considérés comme fauniquement intacts. Alors, c'est dans des zones vierges de l'Amazonie et du Congo, en Sibérie, dans le nord du Canada et dans le Sahara. Ces zones sont de rares exemples de ce à quoi ressemblait la faune et la flore il y a 500 ans, à l'époque pré-industrielle, avant que les humains aient un impact majeur sur l'environnement. Mais restaurer les habitats dégradés, c'est possible, nous disent papier. Dans certaines zones endommagées, il faudrait réintroduire une à cinq espèces disparues, comme les éléphants ou les loups, pour restaurer jusqu'à 20% des terres de la planète. Voilà, et si vous voulez avoir accès à ce rapport, nous venons de le poster, comme toujours, sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Vous pourrez le retrouver plus tard sur le site de l'émission, sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Le gel qui s'est abattu la semaine dernière en France a détruit un tiers des productions viticoles. Oui, c'est ce qu'a déclaré hier la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, après avoir fait le tour des bassins de production sur des centaines de milliers d'hectares. Alors, selon les dernières estimations, un tiers au moins de la production viticole française est détruite. Cet épisode de gel historique est déjà considéré comme la plus grande catastrophe agronomique de ce début de XXIe siècle, pour reprendre les mots du ministre de l'Agriculture. Selon une étude parue hier dans Scientific Reports, à Taïwan, les tremblements de terre sont liés aux saisons des pluies. Oui, Taïwan est fréquemment secoué par des tremblements de terre de forte magnitude et, lors de la mousson, par de fortes pluies. Une équipe taïwanaise a analysé les données sismiques entre 2002 et 2018 et les mesures des eaux souterraines de 40 stations de surveillance. Les chercheurs ont découvert une corrélation entre l'activité sismique et les fluctuations du cycle de l'eau. Il se trouve que dans l'ouest du pays, le taux de sismicité est à son plus fort entre février et avril, tandis que les pluies culminent, elles, entre mai et septembre. Or, selon eux, la croûte terrestre réagit à la charge hydrologique. Le déchargement annuel des eaux souterraines pourrait être un facteur physique qui contribue au déclenchement des tremblements de terre. Et quant aux tremblements de terre sur Mars, il faudra attendre avant de pouvoir à nouveau les étudier, puisque l'atterrisseur InSight de la NASA vient d'entrer en veille prolongée. Oui, l'atterrisseur destiné à étudier la structure interne de la planète se trouve dans un état critique. Ses panneaux solaires sont obstrués par une épaisse couche de poussière et ils ne perçoivent plus aussi bien la lumière du soleil. En février, ils ne produisaient que 27% de leur capacité énergétique. Alors pour faire des réserves d'énergie, pour survivre à l'hiver glacial martien, les ingénieurs de la NASA interrompent les opérations scientifiques et éteignent chaque jour différents instruments. Selon la météo, le rover risque une panne de courant potentiellement fatale. Voilà, et on retournera sur Mars demain, non pas pour prendre des nouvelles d'InSight, mais pour nous intéresser aux Martiens, puisque ce sera le thème de notre vendredi science-fiction de demain. Et on vous retrouvera, Natacha, non pas sur Mars, mais dans le journal de la science de la semaine et de la science-fiction. Après un premier chapitre, c'était le 7 janvier, consacré eh bien, à sa jeunesse et à ses travaux au bureau des brevets de Berne, jusqu'à la rédaction de son article sur la relativité restreinte et ce qu'on a appelé l'Annus Mirabilis de 1905. Après un deuxième chapitre, le 25 février, consacré aux 10 années suivantes, entre 1905 et 1915, pendant lesquelles il élabora sa théorie de la relativité générale qui allait révolutionner notre conception de l'univers. Voici donc le troisième chapitre, le chapitre final, celui d'après 1915, celui d'Einstein prix Nobel, celui d'Einstein et la théorie d'unification, mais aussi celui d'Einstein et la mécanique quantique, mais pour se rafraîchir un peu la mémoire, précédemment dans la méthode scientifique. Un jour, alors qu'il travaillait sur cette revue, il a lu dans un journal de Berne qu'un ouvrier qui réparait les toits de Berne qui ont une pente particulière, était tombé. Et cette simple lecture d'un journal a obligé Einstein à imaginer qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un tombe, comme ça, dans le champ gravitationnel de la Terre. Merci beaucoup à tous les deux. On va poursuivre cette discussion. On parlera bien de la suite et de la postérité d'Einstein, de l'importance de, non seulement de ces deux théories de la relativité, mais de la suite de ses travaux. Ce sera dans une troisième émission. Merci en tout cas d'avoir été ici pour ce chapitre 2. Voilà, c'était la fin du deuxième chapitre. Le suspense, comme d'habitude, est à son comble. Un mot l'un et l'autre, après cette année 1915-1916 exactement pour la publication du papier sur la théorie de la relativité générale. 1919, sa théorie est confirmée par la déviation des rayons lumineux au voisinage du Soleil. 1921, c'est la consécration et le prix Nobel, Olivier Darigol. Ah oui. Effectivement, c'est l'époque où Einstein devient vraiment une gloire connue internationale et où il va en fait être obligé de devenir une figure publique. Enfin, il le fera quand même aussi avec un certain plaisir, je crois. Mais il continue évidemment à être très actif en physique jusqu'à la fin de sa vie et dans tous les domaines. Il continue dans le domaine qui l'intéresse, donc il l'a intéressé depuis longtemps, c'est-à-dire il continue évidemment dans le domaine de la relativité, de la cosmologie, etc., et des théories unitaires, comme on va le voir, mais aussi dans le domaine de la théorie quantique, où il a déjà apporté des contributions essentiel et il va continuer et je pense que c'est ce dont on va parler aujourd'hui, si j'ai bien compris. Vous avez absolument bien compris, c'est tout à fait le thème de notre émission du jour et effectivement dès 1916 il va reprendre ses travaux sur la mécanique quantique. Néanmoins, Alain Aspect, il y a effectivement cette idée reçue manifestement, et c'est ce que vous allez nous expliquer, relativement fausse, selon laquelle Einstein aurait été fâché. On peut même lire à certains endroits qu'il se serait trompé lourdement, enfin en tout cas que Einstein et la mécanique quantique, ça n'est pas une grande histoire d'amour. D'où vient cette idée fausse, cette idée reçue, selon vous ? Alors je crois que l'idée fausse vient du fait que le grand public a été fasciné par la relativité, la question des trains, de la simultanéité, des jumeaux qui vieillissent à des rythmes différents, etc. Mais en revanche, on peut noter que le jury Nobel, en 1921, ne s'y est pas trompé, car l'énoncé exact de son prix Nobel, c'est pour service rendu à la physique théorique, et en particulier l'effet photoélectrique. Or, l'effet photoélectrique 1905, qu'est-ce que c'est ? C'est la quantification de la lumière, et je dirais d'une façon beaucoup plus radicale que celle de Planck. Planck, 1900, introduit l'idée que les échanges d'énergie entre la lumière et la matière se font par grains élémentaires, qu'on va appeler plus tard photons. En 1905, Einstein émet cette hypothèse révolutionnaire que non seulement les échanges d'énergie se font par grains, mais que la lumière elle-même est formée de grains. Et c'est la première étape, me semble-t-il, vraiment radicale de la quantification. Et nous n'oublions pas que la même année, en 1905, la fameuse année miraculeuse, il y a un deuxième article qui est celui sur la chaleur spécifique des solides, qui lui aussi fait appel à la quantification pour comprendre une anomalie dans la chaleur spécifique des solides. Donc je pense que ce malentendu est incompréhensible, sinon par le fait que le public était beaucoup plus fasciné par les histoires de jumeaux que par la mécanique quantique. Alors bien sûr, on y reviendra dans l'émission, il y aura la phase de débat avec Niels Bohr, etc., on reviendra là-dessus. Mais il faut se rappeler que pendant les 20 premières années d'émergence de la physique quantique, Einstein a été l'un de ceux qui ont le mieux compris l'importance de cette révolution. Oui, oui, Olivier Darigol, c'est même Einstein, je crois, qui le premier formule l'expression quantum de lumière pour parler du photon. Comment expliquer que l'histoire des sciences est un peu mise de côté, finalement, cette paternité ou cette copaternité d'Albert Einstein dans l'élaboration des lois de la mécanique quantique ? Enfin bon, d'abord, il faut distinguer, si vous voulez, théorie quantique et mécanique quantique. Bien sûr. Théorie quantique, c'est plus vague et c'est avant la mécanique quantique qui apparaît en 1925. Et à cette ancienne théorie quantique, c'est là que Einstein a apporté vraiment quelque chose. Enfin, on peut me dire même que c'est lui qui a presque commencé cette théorie-là, parce que comme Alain l'a dit, en fait, l'apport de Planck, même s'il est considérable, bien sûr, la théorie du corps du rayonnement, du corps noir, du rayonnement thermique par Planck. C'est en quelque sorte un début de la théorie quantique. Mais Planck, ce n'était pas un révolutionnaire. Il n'avait pas vraiment l'idée d'introduire une rupture fondamentale dans la physique, ni même d'ailleurs une discontinuité fondamentale. Il avait introduit à titre formel dans sa théorie des quantas d'énergie, et qu'il appelait bien quanta, effectivement, le mot apparaît dans ce cadre-là, mais il ne s'imaginait pas du tout une rupture radicale, il ne s'imaginait même pas, en fait, que des entités microscopiques doivent avoir des niveaux d'énergie bien définis, discrets, et faire des sauts quantiques pour passer de l'un à l'autre. Il n'y a pas ça, tout reste très formel chez Planck, et c'est vraiment Einstein qui, lui, le premier, mais vraiment avant quiconque, va affirmer que toute cette classe de problèmes du rayonnement thermique, etc., ça ne peut pas être compris sans introduire un nouvel élément fondamental de discontinuité dans la physique. Et il va le faire en plus d'une manière très très radicale, parce que non seulement Einstein, donc il admet que bon, des entités microscopiques, des atomes, etc., ont des énergies qui peuvent varier que par saut, mais en plus il introduit, comme Alain l'a rappelé, la notion de quanta lumineux. Et alors là, c'est vraiment une rupture très radicale, puisque la théorie la mieux vérifiée de l'époque, la plus précise, etc., c'est la théorie de l'électromagnétisme classique, la théorie classique du rayonnement, qui a une histoire bien française avec Fresnel et autres en bonne partie. Et donc c'est la théorie la mieux établie, et Einstein se permet de la remettre en question. Il dit, ah ben voilà, dans certaines circonstances, la lumière peut se comporter comme des corpuscules. Et alors, il est prudent, hein, bien sûr, Einstein, toujours, mais en fait, il est quand même à la fois prudent et à la fois très, très audacieux. Et donc, il a cette attitude, il va vraiment lancer, et puis il va être suivi, au bout du compte, au moins sous une partie de ses idées, pas pour les quantas lumineux, il va y avoir une résistance très forte, mais par contre, pour l'idée générale de discontinuité quantique, à partir de 1911, quelque chose dans ces années-là, elle vient à être acceptée par un nombre croissant de physiciens, et Einstein a joué un rôle très important. Donc, il est vraiment l'un des initiateurs, peut-être même le principal initiateur de la théorie quantique, on peut dire, au départ. France Culture, La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc d'Albert Einstein et de la mécanique quantique, ou en tout cas de la troisième large et vaste partie de la carrière d'Albert Einstein en compagnie d'Alain Aspect et d'Olivier Darigol. On l'a dit, hein, 1905, donc les quantas de lumière, les fondements de la théorie quantique posée par Albert Einstein. Einstein va ensuite se consacrer essentiellement à développer cette théorie de la relativité générale, mais dès 1916, hein, c'est-à-dire que dès la publication Alain Aspect de cette théorie de la relativité générale, Einstein se remet à la table sur la théorie quantique et va justement travailler sur, je crois, ce que venait d'évoquer Olivier Darigol, à savoir ces fameuses équations de modélisation du corps noir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement qu'est-ce qui intéresse Albert Einstein et à quoi il va s'atteler justement sur ce volet de la théorie quantique? Alors, effectivement, Einstein va reprendre la question de l'interaction entre le rayonnement et la matière en utilisant jusqu'au bout les idées quantiques qui sont maintenant claires dans sa tête, à savoir que il faut considérer le rayonnement comme fait de grains et que par ailleurs, maintenant nous sommes en 1916-1917, Niels Bohr a énoncé sa théorie de l'atome dans lequel un photon est absorbé ou émis lorsqu'un atome passe d'un niveau d'énergie à l'autre, et Einstein va développer complètement un modèle cohérent d'interaction entre le rayonnement et la matière qui va lui permettre effectivement de retrouver enfin par un raisonnement qui est plus qu'heuristique, parce qu'il faut dire que jusque-là, les raisonnements qui permettaient de conduire à la formule de rayonnement du corps noir étaient heuristiques. Heuristique, ça veut dire qu'on ne sait pas les démontrer. Hein. Heuristique, ça veut dire je fais une conjecture. C'est un peu intuitif, voilà. Ouais. Voilà, c'est un mot compliqué pour dire intuitif. Mais je voudrais insister quand même sur le fait que dès 1909, Einstein, lors de la fameuse conférence de Salzbourg, émet une idée radicale, l'idée de dualité onde-corpuscule. C'est en toutes lettres dans sa conférence de Salzbourg en 1909, nous sommes quand même 14 ans avant Louis de Broglie qui va reprendre l'idée de dualité onde-corpuscule, cette fois appliquée à la matière. Mais en ce qui concerne la lumière, Einstein avait parfaitement vu ce caractère extraordinaire de la physique quantique, à savoir que, certes, il faut décrire la lumière comme des corpuscules, mais on n'a pas le droit d'oublier Young et Fresnel et Maxwell. La lumière est aussi une onde, et cette idée de dualité, il l'avait clairement en tête. Et justement, alors, donc, pourquoi, en fait, finalement, la question, c'est qu'il met effectivement un peu entre parenthèses, Olivier Darigol, hein, ses travaux. C'est-à-dire qu'effectivement, dès 1909, comme vient de le dire Alain Aspect, il y a cette notion de dualité onde-corpuscule. Et ses travaux sur la théorie quantique du rayonnement, que cherche exactement. Que cherche Einstein dans cette théorie-là? Parce que, en fait, on va voir qu'il se situe un peu à la marge, finalement, de toute la vague qui est en train d'arriver, de déferlante de travaux sur la théorie quantique avec bien Schrödinger, Bohr, Heisenberg, Pauli et tous les autres. Que cherche Einstein à cet endroit-là, Olivier Darigol? Oui, alors, vous venez d'y faire allusion, mais il y a une chose un peu étonnante, c'est que dans la période de gestation de la relativité générale, Einstein n'écrit pas grand-chose sur la théorie quantique, et donc avant 1916, alors, disons, surtout dans la période 1911-1914, disons, il n'y a presque rien, et pour une simple raison, c'est que Einstein à ce moment-là, il a des doutes, et alors c'est quelque chose de caractéristique de la façon de penser d'Einstein, qui est toujours prêt à se remettre en question un moment ou un autre, et on a toujours l'impression qu'il est sur la corde raide, et il est prêt à dire, ben finalement, peut-être que les quantas, ils n'existent pas vraiment, que c'est simplement un résultat formel, etc. Donc il revient en arrière hein, par rapport à ce qu'il a proposé avant, et il y a un certain nombre d'articles qu'il publie où il va essayer d'obtenir des résultats qu'on avait obtenus ou qu'il avait obtenus lui-même auparavant, en introduisant les quantas, il va essayer de le refaire sans les quantas, par des méthodes thermodynamiques, macroscopiques, etc. Jusqu'à ce que, bon, à partir d'un certain temps, et c'est surtout à partir de l'atome de Bohr, à partir de 1913, qu'il va revenir aux quantas, en force et il va essayer de trouver des arguments même plus forts en fonction des quantas et de rendre la théorie du rayonnement plus cohérente. Et c'est ce qu'a dit Alain avec cette théorie de 1916-1917, cette nouvelle théorie de l'interaction entre atomes et rayonnement, hein, qui est très importante et puis qui a laissé évidemment des résultats importants jusqu'à ce jour, puisque le phénomène d'émission stimulée, en fait, qui est décrit dans cet article-là, est à la base du fonctionnement du laser aujourd'hui. Et donc, c'est une théorie très importante, mais dans l'idée d'Einstein, c'est aussi il y a un enjeu philosophique, hein, plus général, sur les fondements de la physique, c'est de rendre toute la théorie quantique un peu plus cohérente, quand même, de l'interaction des atomes et des rayonnements, et puis aussi d'aboutir à une nouvelle preuve, parce qu'il y a un nouvel argument en faveur de l'existence des quantas lumineux, qui est beaucoup plus difficile à réfuter que les précédents, parce que Einstein, chaque fois qu'il a proposé une preuve des quantas lumineux, auparavant, il y avait toujours quelqu'un, que ce soit Planck ou Lorentz, pour dire « Ah oui, d'accord, mais en fait, il y a une faiblesse dans l'argumentation, etc. » Mais là, ses adversaires étaient coincés à partir de 1916, parce qu'il a donné un argument, je ne peux pas aller dans les détails, bien sûr, mais qui est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que si on n'accepte pas les quantas lumineux, ce que montre Einstein à ce moment-là, c'est qu'on est obligé de rejeter des principes très fondamentaux de la physique, comme la conservation de l'énergie, par exemple. Alors, on est vraiment forcé un peu d'admettre les quantas lumineux beaucoup plus qu'avant. Enfin, c'est ce qu'Einstein, en tout cas, veut dire en bonne partie dans cet article. Donc, il y a cette idée donc, de clarifier les fondements et de les renforcer, un retour en force au quanta du point de vue d'Einstein à cette époque-là. Et puis, là, on est dans la théorie, puis il y a le basculement de 1923 avec les travaux de Compton sur la diffusion des rayons X qui valident la théorie des quantas, finalement, qui aura été posée en 23, donc combien 18 ans plus tôt par Einstein, Alain Aspect. Il y a une forme de validation expérimentale de cette théorie des quantas qui devient indiscutable et c'est le début expérimental, en tout cas, de la validation de la physique quantique. Alors moi qui suis expérimentateur, évidemment, je suis enchanté quand l'expérience vient ajouter sa pierre. Évidemment. Il y a une pierre tout à fait extraordinaire qui est l'expérience de Millikan de 1915, où Millikan va tester l'hypothèse d'Einstein sur l'effet photoélectrique et valider la loi sur l'effet photoélectrique. Or, Millikan lui-même écrit dans ses mémoires plus tard qu'il s'est lancé dans ses expériences pour prouver que cette loi était fausse. Mais Millikan est un physicien, un expérimentateur extraordinaire, qui est évidemment honnête comme tous les expérimentateurs, et surtout il fait une expérience d'une qualité énorme, et Millikan dit, eh ben voilà, Einstein avait raison. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que si le jury Nobel en 1921 cite explicitement la loi de l'effet photoélectrique d'Einstein, c'est à cause de cette validation par Millikan en 1915. Et permettez-moi d'ajouter un détail qui est quand même assez croustillant, c'est qu'en 1911, quand Einstein va être élu à l'Académie prussienne des sciences, un rapport est écrit sur lui. Ce rapport est écrit, je crois, Olivier le confirmera ou me corrigera, je crois, par Planck. Et bien dans ce rapport, il est écrit explicitement que Einstein s'est trompé, par exemple dans sa loi sur l'effet photoélectrique. Mais il a fait tellement d'autres choses qui sont bonnes que je vous propose, chers confrères, de les lire néanmoins à cette académie. Donc, c'est quand même absolument fantastique comme histoire. Oui. Alors, si on avance un peu dans la chronologie, il y a plusieurs jalons. Peut-être qu'on peut en poser un rapidement en 1925 avec vous, Alain Aspect, sur le fameux condensat de Bose-Einstein, c'est-à-dire l'état de la matière a vraiment extrêmement refroidi avec très très peu d'énergie, qui est aussi un jalon intéressant parce qu'il sera observé plus tard, là aussi, de manière concrète et observationnelle par l'expérimentation. Oui, alors là, c'est quand même une affaire beaucoup plus compliquée où c'est une pure spéculation théorique. Elle est tellement spéculation théorique que Einstein va plus ou moins se rétracter au dire au fond, je me demande si tout ça, c'est bien sérieux. Vous nous rappelez rapidement ce qu'est le condensat de Bose-Einstein en deux mots pour nous. Le condensat de Bose-Einstein, c'est l'idée que lorsque on refroidit suffisamment une assemblée d'atomes, mais qui reste sous forme gazeuse, c'est-à-dire on se place dans des circonstances où ça ne condense pas sous forme d'un liquide ou forme d'un solide, eh bien, il arrive un moment où, à cause précisément du caractère ondulatoire, pour le coup, des particules de matière, des atomes ou des molécules, comme ce sont des paquets d'ondes, à partir du moment où la température est extrêmement basse, l'extension de chacun des paquets d'ondes individuels devient supérieure à la distance moyenne entre les atomes. Et du coup, toutes ces ondelettes se synchronisent, et en se synchronisant, eh bien, on crée une espèce d'immense onde de matière macroscopique qui sera identifiée plus tard dans la superfluidité de l'hélium liquide et puis dans les supraconducteurs électriques. Mais au en 1995 fait, alors en 95 c'est le condensat de Bose-Einstein gazeux, oui, c'est mais ça. Comprendre que l'hélium liquide superfluide est un condensat de Bose-Einstein, ça l'hypothèse avait été émise bien plus tôt dans les années 40 je pense. En 38 oui. Et puis 38. Et puis dans les années 50, on comprend aussi que les supraconducteurs, c'est une forme aussi de condensation de Bose-Einstein. Mais vous voyez qu'il s'écoule des décennies avant que cette idée de condensation de Bose-Einstein devienne une réalité expérimentale. Et je vous dis, Einstein lui-même, sauf erreur de ma part, a écrit un an après qu'il avait des doutes. Oui. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que là, une fois de plus, Einstein pose un postulat théorique qui va devenir une base solide de la physique des matériaux bien absolument. Au long cours. Parce qu'on cite souvent la relativité générale, les ondes gravitationnelles, enfin, je veux dire, les prédictions de la relativité restreinte ou de la relativité générale. Le condensat de Bose-Einstein, c'est aussi quelque chose d'assez stupéfiant parce que là aussi, c'est prévoir un état de la matière qui va être observé dans des conditions expérimentales dès qu'on aura les moyens de le réaliser des années après, Olivier Darigolle. Oui, oui, non. Mais c'est aussi intéressant bon, sur le plan théorique, parce que bon, Einstein, il a obtenu en fait ce résultat, enfin cette théorie donc du gaz quantique dégénéré de Bose-Einstein par une méthode de statistique, une analyse en fait, une formule statistique empruntée au physicien indien Satyendranath Bose, qu'il a appliqué donc comme ça à de la matière, alors qu'elle était au départ c'était conçu pour une statistique qui était appliquée au rayonnement hein, pour retourner une forme, une démonstration de plus de la loi du rayonnement noir. Et en fait, Einstein a appliqué ça. Il a obtenu donc une théorie satisfaisante, enfin qui semblait satisfaisante, de la dégénérescence des gaz quantiques. Mais il s'est rendu compte en même temps, en étudiant les propriétés de fluctuation de ce gaz, en faisant un peu de thermodynamique là-dessus, que les fluctuations en fait pouvaient s'interpréter dans ce gaz comme étant dues à des ondes. Et les propriétés de ces ondes, il venait juste de lire la thèse de Louis de Broglie que Langevin lui avait envoyé pour lui demander son avis, parce que Langevin était un peu sceptique. Cette thèse de Louis de Broglie était tellement audacieuse qu'il se demandait, il avait peur en fait de la soutenir publiquement. Et donc Einstein non seulement a donné son avis, mais en plus Einstein s'est rendu compte en fait que les ondes de Louis de Broglie expliquaient parfaitement le comportement de son gaz dégénéré, en fait ses fluctuations de ce gaz dégénéré qu'il venait de créer lui-même théoriquement. Et donc c'est aussi une étape importante en fait pour faire accepter la théorie, pour montrer que la théorie de De Broglie est intéressante, car qu'on arrive à ces ondes de De Broglie par deux voies différentes, hein, par une voie celle d'Einstein par les statistiques et une autre qui est tout à fait différente donc qui est due à Louis de Broglie. Et en fait c'est d'ailleurs pour ça, c'est à cause de Schrödinger justement avait beaucoup travaillé sur ce problème lui-même de la dégénérescence quantique des gaz, et c'est à travers ce problème d'Einstein de Broglie en fait qu'il s'est intéressé aux ondes de Louis de Broglie. Donc c'est aussi un des importants dans l'histoire de la mécanique ondulatoire, donc au sens de Broglie et Schrödinger, cette affaire-là. Alors, à nous écouter et à vous écouter surtout tous les deux depuis une demi-heure, on a l'impression que finalement cette histoire entre Einstein et la physique quantique, c'est une vaste histoire d'amour, qu'Einstein en serait à l'origine, qu'il aurait prédit beaucoup de choses. Néanmoins, il y a un problème, et ces théories quantiques posent un certain nombre de problèmes, et des problèmes, vous allez l'entendre, plus philosophiques que pratiques à Albert Einstein. Vous allez l'entendre, mais dans quelques minutes. This is Unschooling de Social Chameleon, comme chaque jour, en soutien à la scène musicale indépendante française à l'initiative de notre réalisateur Olivier Bétard. Nous parlons d'Albert Einstein. C'est la troisième émission consacrée aux travaux de celui que d'aucuns estiment comme étant le plus grand physicien, peut-être de l'histoire de l'humanité, allons, qui sait. Nous en parlons avec Alain Aspect, professeur à l'Institut d'Optique et à l'École Polytechnique, et Olivier Darigolle, directeur de recherche CNRS au laboratoire Sphère à l'Université Paris Diderot. Alors, Alain Aspect, quel est le problème en fait? Parce qu'il y a tout de même, on n'a pas inventé finalement cette opposition entre Albert Einstein l'univers de la physique quantique, ça n'a pas été créé toute pièce. Il y a bien quelque chose, il y a bien une pierre d'achoppement. Quelle est-elle, Alain Aspect, cette pierre d'achoppement entre Einstein et la théorie quantique? Alors, la pierre d'achoppement, elle est le fait que Einstein est un réaliste. Qu'est-ce que ça veut dire être un réaliste? C'est croire que le monde a une réalité physique indépendamment du fait que nous l'observons. Et que le travail du physicien consiste à révéler ses propriétés sous-jacentes du monde. Alors que la physique quantique va entraîner de la part de Niels Bohr et de son école une autre vision qui est que le monde en tant que tel et indépendamment de l'observateur, ce n'est pas une notion très utile et peut-être même que c'est une notion qui conduit à des conceptions fausses et que la seule chose qui compte, c'est le monde en interaction avec l'observateur. Et cette divergence profonde épistémologique entre Einstein et puis la majorité des gens qui vont construire la physique quantique va conduire Einstein, et c'est là que c'est intéressant, à non seulement argumenter sur le plan philosophique, mais surtout, il va essayer de trouver des tas d'exemples dans lesquels la vision du monde de Niels Bohr et de l'école de Copenhague entrerait en autocontradiction avec le formalisme de la mécanique quantique. C'est ça. Alors, on va pouvoir l'incarner parce que Einstein va chercher justement les apories de cette conception d'un monde qui serait influencé par la position de l'observateur, qui ferait s'effondrer la fonction d'onde, mais notamment autour du principe de localité. On va revenir là-dessus, peut-être, Olivier Darigolle, sur cette opposition ou cette incompréhension épistémique. Que pouvez-vous nous dire à ce propos? Je pense que Alain a formulé très exactement la difficulté. Évidemment, le problème, c'est avec la notion de réalisme qu'Einstein défendait, et c'est tout à fait explicite dans les écrits d'Einstein sur ce sujet. Alors, mais dans le détail, si vous voulez, pour les arguments, les objections qu'il a formulées, on peut distinguer, il y a deux périodes. Il y a une première période à partir de 1926-27 et qui va durer quelques années. Il va peut-être jusqu'à 1930 à peu près, il va essayer de démontrer qu'on peut violer les relations d'incertitude de Heisenberg. Alors, les relations d'incertitude, elles affirment qu'on ne peut pas, en fait, mesurer deux quantités qui sont dites conjuguées simultanément avec une précision indéfinie. En fait, plus c'est précis pour une quantité, la mesure, et plus l'autre mesure va donner un résultat dispersé. Et donc, ces relations d'incertitude, en fait, le rôle fondamental que joue la probabilité à cet égard dans cette théorie, c'était quelque chose qu'Einstein n'aimait pas du tout au départ. Et donc, il va essayer de trouver des contre-exemples. Mais à chaque fois, Bohr va réussir, enfin, alors ça se passe toujours, il n'y a pas vraiment de publication à cet égard, ça se passe dans des congrès, etc. Bohr va réussir à trouver la réplique. Et de façon plus ou moins spectaculaire d'ailleurs, enfin, il n'y en a que le cas le plus célèbre, c'est 1930, donc on a le sommet 1930, où il y a une espèce de qu'on appelle la balance à photons, hein, qu'Einstein va introduire un argument et que Einstein va, que Bohr va réfuter en fait, et en utilisant les propres armes d'Einstein, c'est-à-dire en utilisant la relativité générale, il va démontrer qu'Einstein a omis un effet de relativité générale qui empêche de violer les relations d'incertitude de Heisenberg. Et alors, à partir de ce moment-là, Einstein, il va changer de stratégie, en fait, et là, je vais peut-être laisser la parole à Alain, parce qu'il est plus spécialiste que moi de la question, mais c'est à ce moment-là qu'il va se diriger vers l'argument EPR, en fait, non, qui a joué un rôle fondamental dans l'histoire, au moins, des interprétations de la physique quantique, mais aussi de certaines expériences. eh bien, il va se diriger, donc il va toujours, il est toujours insatisfait, évidemment, pour la mécanique quantique, mais non, il va dire que, bon, le défaut de la mécanique quantique, c'est pas qu'elle puisse être contredite vraiment par l'expérience, qu'on puisse contredire expérimentalement les relations d'incertitude, par exemple, de Heisenberg, mais c'est qu'en certaine façon, la théorie, elle est incomplète. Et je vais peut-être la laisser la parole à Alain, parce qu'il est vraiment spécialiste de ce genre de choses. Mais, et donc, il va essayer de mettre le doigt sur un certain type d'incomplétude, et c'est ce qu'il va faire dans l'article EPR. Alors, avant de parler de ce paradoxe EPR, peut-être faut-il rappeler quelques éléments de contexte et de compréhension, Alain Aspect. Il faut peut-être rappeler ce qu'est l'intrication quantique, et finalement, ce en quoi croyait Einstein, d'une part, c'est-à-dire le principe de localité, et ce, justement, qu'il essayait de dénoncer, ou en tout cas, qu'il essayait de déconstruire, à savoir la notion d'action instantanée à distance. Alors, d'abord, je voudrais faire une remarque. Je vous en prie. Dans ce passage de le relatif échec d'Einstein à trouver des objections que vient de nous rappeler Olivier, à ce que moi je considère comme un succès, qui est l'objection EPR, il faut remarquer qu'on passe du cas où on observait des particules individuelles, uniques, et sur ça, Einstein n'arrive pas à trouver de contradiction, n'arrive pas à coincer la mécanique quantique, et puis on passe à l'intrication où il y en a deux. Et c'est l'un de mes dada consiste à dire que la seconde révolution quantique, eh bien, son ingrédient majeur, c'est lorsqu'on passe d'une seule particule quantique à plusieurs particules quantiques intriquées. Alors maintenant, effectivement, je vous suis sur ce que vous venez de dire. Einstein va réaliser, en considérant des états mettant en jeu deux particules dans un état qu'on appelle état intriqué, il va réaliser que si on croit vraiment à ce que nous raconte le formalisme de la mécanique quantique tel qu'il est énoncé de façon de plus en plus standard, on peut dire, par l'école de Copenhague, puis Dirac, et puis tous les gens qui énoncent d'une façon de plus en plus précise ce formalisme de la mécanique quantique, Einstein va réaliser qu'il existe des situations où la théorie prévoit que si je touche à une particule ici, il semble que l'état d'une particule qui se trouve très loin change instantanément. Or ça s'oppose bien évidemment à l'idée de base de la relativité d'Einstein, qui est que rien ne peut aller plus vite que la lumière, donc rien ne peut se passer instantanément. Et donc Einstein va essayer de retourner l'argument pour dire que si on croit ces prévisions de la mécanique quantique, on ne peut pas se contenter de cette image qui met en jeu une non-localité, une apparente action à distance, et qu'il existe un moyen d'aller au-delà, c'est d'accepter que la théorie quantique est incomplète. Donc peut-être qu'on va y revenir dans un moment. Bien sûr. Rappelez hein, ce que sont deux particules intriquées. L'intrication quantique, c'est deux particules qui, à un moment donné, je vais vous laisser le préciser, ou je peux le dire dans mes mots, oui, et vous allez me compléter. Les... C'est-à-dire que le principe d'incertitude, c'est qu'on ne sait pas dans quel état se trouvent ces particules, et si ces particules sont séparées, qu'elles soient même d'un bout à l'autre de l'univers, si elles ont été intriquées, à un moment donné, si un observateur fixe l'état d'une particule à un moment donné, eh bien l'autre particule sera exactement dans le même état, quelle que soit sa distance. Est-ce que vous voulez préciser cette définition un peu grossière que je viens d'effectuer à l'aspect ? Oui, alors voilà, j'aime bien moi donner un exemple, une analogie, qui bien sûr ne va pas fonctionner jusqu'au bout, mais qui va nous permettre de comprendre. On va prendre l'analogue de deux jumeaux, qui ont été deux jumeaux vrais, hein, avec les mêmes chromosomes. Ces deux jumeaux sont nés, et ensuite ils sont partis dans deux continents différents, ils sont élevés dans deux continents différents, et il existe néanmoins des corrélations très fortes entre certaines propriétés des jumeaux. Par exemple, il est probable que si un jumeau a les yeux bleus, l'autre a les yeux bleus. Il est probable que si un des jumeaux est gaucher, l'autre sera gaucher. Enfin, j'en sais rien, mais imaginons ces choses-là. Eh bien, dans la théorie quantique, lorsqu'on a deux particules intriquées, c'est presque la même chose, sauf que il faut choisir. Soit on regarde la couleur des yeux, soit on regarde s'ils sont gauchers ou droitiers. On ne peut pas faire les deux à la fois. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que si vous croyez à la théorie quantique vous dit que jusqu'au moment où vous faites la mesure, on peut aussi bien trouver bleu que noir pour les yeux. Et de l'autre côté, jusqu'au dernier moment, on a autant de chances de trouver bleu que noir. Mais par contre, dès l'instant où l'un des deux a trouvé bleu, alors on est certain que l'autre a trouvé bleu. Ou si l'un des deux a trouvé des yeux noirs, alors l'autre a trouvé des yeux noirs. Et Einstein dit, ça c'est pas possible, parce qu'on a l'impression que le fait que la mesure soit faite d'un côté, ça influence ce qu'il y a de l'autre côté. En revanche, si on admettait que les jumeaux ont des chromosomes identiques et des chromosomes d'yeux bleus, ce serait facile à comprendre. Mais il faudrait admettre qu'il y a des chromosomes. Et Niels Bohr ne veut pas de chromosomes. C'est ça les paramètres cachés. Les paramètres cachés, ce sont les chromosomes des particules intriquées. Einstein dit, si vous ne voulez pas d'action à distance, il faut admettre des paramètres cachés. Voilà. Il faut admettre qu'il y a une règle que l'on n'a pas encore comprise et que l'on n'a pas encore prononcée ou définie. Alors un mot, ben précisément, Olivier Darigol, pour qu'est-ce exactement que ce paradoxe EPR que Einstein va proposer, bien pour tâcher de mettre à mal ce principe d'intrication quantique. Oui, enfin, Alain l'a déjà presque dit à travers sa métaphore. Donc, c'est l'idée. Il a un critère de réalité au départ, Einstein, qui dit que chaque fois que je peux prédire de façon certaine l'état d'un système sans le perturber, eh bien, une propriété, disons, de cet état, ben, cette propriété, elle est réelle. C'est quelque chose. Donc, c'est un critère de réalité. Et il va donner un exemple, en fait, où donc c'est l'exemple de deux particules qui sont dans un état, ce qu'on appelle intriqué, justement, et donc qui ont interagi par le passé, qui ont été pour être dans un tel état intriqué. Si on prend l'une des particules, on peut mesurer soit sa position, soit sa quantité de mouvement. Et ce sont deux mesures sans un mécanique quantique qui sont incompatibles, hein, l'une par rapport à l'autre. Et le problème, c'est qu'on a le choix de faire l'une ou l'autre mesure, mais on peut. Et en faisant la mesure sur la première particule, si on mesure la position de la première particule, on peut prédire, si la seconde particule elle est très loin, il ne peut y avoir aucun effet qui se propage à une vitesse plus grande que la vitesse de lumière entre les deux, donc on ne peut pas la perturber instantanément comme ça. Donc on peut effectivement prédire la position de l'autre particule sans la perturber. Mais on peut aussi, parce que si on avait choisi au contraire de mesurer sa quantité de mouvement, on pourrait aussi mesurer sa quantité de mouvement comme ça, sans la perturber. Donc on arrive comme ça, par cette expérience de pensée, on arrive comme ça à dire que ben voilà, il y a la position et la quantité de mouvement de la seconde particule, elles sont toutes les deux tout aussi réelles, et pourtant la mécanique quantique ne permet pas de donner une valeur simultanée à ces deux grandeurs. Donc c'est ça l'incomplétude, en fait, qui est signalé par Einstein, donc c'est une façon de la voir, en tout cas c'est celle qui est proposée dans l'article PR. Juste pour dire et pour expliquer que finalement ce débat-là ne sera pas tranché du vivant d'Einstein, parce que jusqu'à sa mort, Einstein va rester persuadé qu'il existe une sorte de super théorie déterministe en quelque sorte cachée derrière cette mécanique quantique. Ce sont les fameux chromosomes dont vous parliez, Alain Aspect, mais vous avez contribué à prouver que Einstein s'était partiellement trompé, qu'il n'y a pas de chromosomes, qu'il n'y a pas de paramètres cachés en mécanique quantique. Oui, alors avant d'arriver à ce point-là, il faut renchérir sur ce que vous venez de dire. Le débat n'est pas tranché. Il n'est pas tranché tout simplement parce que au moment où nos deux héros malheureusement disparaissent sans que le débat soit tranché, il faut voir qu'il n'y a aucune contradiction logique entre les deux points de vue. C'est-à-dire, Bohr d'un côté dit il n'y a pas de chromosome, il n'y a pas de raison de compléter la mécanique quantique. Quant à Einstein, il dit mais moi j'ai pas de problème avec votre formalisme, je crois à tous vos calculs, j'utilise le même formalisme que vous pour faire les calculs, mais pour comprendre le monde, j'affirme que en plus, il faut imaginer qu'il y a en dessous une structure cachée, qu'il y a des chromosomes. Mais il n'y a pas de contradiction apparente. C'est à John Bell, en 1964, que va revenir l'immense mérite de comprendre que si on pousse jusqu'au bout la logique d'Einstein, alors à un moment donné, on va entrer en conflit avec les prédictions même de la mécanique quantique. Et d'où la possibilité de faire une expérience. tant que John Bell n'a pas mis en évidence cette contradiction, eh bien on peut parfaitement vivre avec l'idée que, d'une part, la mécanique quantique est juste, et d'autre part, on croit à l'interprétation d'Einstein avec des paramètres supplémentaires. C'est John Bell qui montre la contradiction, et ce qui va conduire à des expériences, des premières expériences pionnières menées par John Clauser aux États-Unis au début des années 70, et puis la série d'expériences que nous ferons à l'Institut d'Optique au début des années 1980, avec la mise en évidence directe de la non-localité. C'est-à-dire, vous pouvez nous en redire un mot. Alors, je sais que vous en avez déjà parlé à ce micro, vous en parlez souvent, mais vous pouvez nous expliquer comment vous avez justement vérifié ce qu'on appelle les inégalités de Bell, en quelques mots, ce qui prouve encore une fois l'absence de paramètres cachés. Eh bien, pour reprendre la parabole des jumeaux dont on aurait le choix de mesurer deux propriétés, par exemple la couleur des yeux et puis une autre propriété, mais il faut choisir entre les deux. Je vais reprendre ce qu'a dit Olivier avec la couleur des yeux. Si j'ai un état intriqué, je mesure la couleur des yeux du jumeau qui est en Australie et je trouve bleu. Je sais que le jumeau qui est en Amérique a des yeux bleus aussi. Et donc, je suis obligé de conclure, quand je raisonne comme Einstein, que ce jumeau, la couleur des yeux des jumeaux est déterminée par des chromosomes. Mais si je prends une autre propriété, je ne sais pas laquelle, mettons la couleur des cheveux, et puis admettons qu'on est obligé de choisir soit on regarde la couleur des yeux, soit on regarde la couleur des cheveux, c'est la fameuse histoire de la quantité de mouvement et de la position, on peut faire le raisonnement pour la couleur des cheveux. Seulement, la physique quantique nous dit qu'il faut choisir. Et ça, c'est vrai que je peux choisir. C'est-à-dire que quand je mesure l'un des deux jumeaux, il faut que je choisisse. Et donc, l'expérience que nous avons faite en 82 a consisté à faire le choix au dernier moment, c'est-à-dire que je choisis de regarder soit la couleur des cheveux, soit la couleur des yeux, au dernier moment, de telle sorte qu'il n'y a aucune possibilité d'échange, d'une interaction, sauf si elle allait plus vite que la lumière, entre les deux jumeaux qui sont séparés par des milliers de kilomètres. Et donc, l'idée de base, ça a été que, au lieu de parler de couleur d'yeux et de couleur de cheveux, il s'agit de mesurer la polarisation d'un photon suivant une direction ou une deuxième direction. Je suis obligé de choisir la direction, je ne peux pas faire suivant deux directions à la fois. Eh bien, je choisis au dernier moment ma direction, ce qui interdit toute communication entre les deux bouts, sauf si cette communication, apparemment, était plus rapide que la lumière. C'est ça, la non-localité quantique. C'est pas simple, je vous l'accorde. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. C'est pas simple, mais c'est très clair à leur aspect. Je pense que les auditrices et les auditeurs ont bien compris de quoi il était question. Et puis, s'ils veulent en savoir plus, on leur a déjà posté sur notre feed Twitter le lien vers l'émission que nous avions passée ensemble, en tête à tête, si j'ose dire, pour où vous nous parliez dans le détail de cette expérience de la violation des inégalités de Bell. Voilà, vous pouvez retrouver ça sur notre feed Twitter, @lamethodefc. On arrive au terme de cette émission dans la dernière partie. J'aimerais qu'on aborde également les autres travaux d'Albert Einstein dans cette troisième et large et vaste partie de sa carrière. Olivier Darigol, Albert Einstein va aussi consacrer bien une partie de ses travaux à essayer bien d'unifier les différentes forces qui sont identifiées à cette époque, à savoir la gravitation et l'électromagnétisme. Effectivement, c'est même sa principale préoccupation, hein, donc à partir disons de la fin des années 20, des années 30, Einstein, en fait, il va se désintéresser, alors on va dire ce à quoi il ne s'intéresse pas, d'abord il va se désintéresser de toutes les nouvelles applications de la mécanique quantique, des développements de la physique nucléaire, enfin tout ce qui va exciter la plupart des physiciens, hein, pendant les 30 années qui suivent, enfin, le développement de toute une nouvelle physique, en particulier du noyau, enfin, la théorie quantique des champs, toutes ces choses-là. Bon, Einstein, il ne va pas du tout s'y intéresser. Et ça vient en partie de son insatisfaction fondamentale, en fait, sur la mécanique quantique, le fait que ce n'est pas une théorie à son goût, quoi, même s'il admet, comme on l'a dit, que c'est une théorie extrêmement efficace. Et donc, il cherche autre chose. Et pour lui, le premier problème à résoudre, c'est un problème un peu formel, en fait, d'un défaut de la relativité générale. Parce que la relativité générale, en fait, il y a deux types de quantités, deux types de concepts. Alors, il y a des concepts géométriques. Alors, vous savez que la relativité générale, c'est une théorie d'un espace courbe. Donc, c'est éminemment, il y a la courbure, c'est un espace à quatre dimensions, courbe, donc c'est éminemment géométrique comme concept. Mais en même temps, là-dedans, on greffe ce qu'on appelle des champs, comme le champ électromagnétique, hein, la lumière, hein, des choses comme ça. Et ça, ce n'est pas interprété géométriquement, cette théorie-là. C'est quelque chose, c'est une structure qu'on rajoute à une autre structure. Alors, ça ne plaisait pas à Einstein, d'ailleurs, ça ne plaisait pas non plus à Hermann Weyl ou à Eddington en Angleterre. Et il voulait quelque chose de plus unifié. Et l'idée pour ça, c'est d'avoir, au lieu de partir d'une surface, une hypersurface, donc à quatre dimensions de la relativité générale, d'avoir un concept géométrique un peu plus général et qui permette peut-être d'avoir, à l'intérieur de ce cadre géométrique plus général, on pourrait avoir à la fois la gravitation et l'électromagnétisme. Et alors, Einstein va essayer de faire ça, alors tout jusqu'à la fin de sa vie. Hein, il va essayer, il va s'y reprendre. Alors, mais en gros, on peut distinguer, il y a deux types de stratégies. Il y a une stratégie qui consiste à rajouter une dimension de plus, donc passer à cinq dimensions, ce qu'on appelle la théorie de Kaluza-Klein au départ. Bon, pas bon, mais enfin, il fait quand on rajoute une dimension, on peut, en fait, il y a des résultats formels d'ailleurs assez jolis, là, on peut montrer complètement qu'on peut avoir tiré même le champ de Maxwell, les équations de Maxwell, comme ça, comme un aspect de cette géométrie à cinq dimensions. Donc on a ce premier type d'unification. Et puis, il y en a d'autres, alors là, qui reviennent à élargir, disons, la notion de surface courbe, donc de la géométrie à quatre dimensions, d'une autre manière, enfin, en introduisant ce qu'on appelle des connexions, etc. Mais là, il est possible de rentrer dans les détails techniques, mais enfin, il faut voir que c'est une géométrie. Il suffirait de dire ici que c'est, là encore, c'est une autre façon de généraliser la géométrie, mais sans changer la dimension. Et alors, il y a 36 façons de le faire, hein, et Einstein va explorer de nombreuses pistes. Il va obtenir, en fait, très peu de résultats concrets, et en fait, même il va avoir, en fait, de plus en plus de mépris, en fait, pour l'expérience, et même dans ses tentatives, dans beaucoup de ses tentatives, il n'a même pas réussi à démontrer qu'il pouvait retrouver les équations de Maxwell, donc pour le champ électromagnétique, dans ce cadre-là. Mmh. Et donc, il cherche seulement à avoir le point de départ qui soit le plus séduisant possible sur le plan formel. C'est la simplicité formelle qui prime pour lui à ce moment-là. Donc on a un Einstein, hein, qui est très différent du jeune Einstein, hein, qui méprisait justement le genre de physicien mathématicien qui se soucie seulement de beauté formelle mais qui ne voit pas de simplicité formelle et qui n'utilise pas suffisamment son intuition physique ou aussi qui n'utilise pas suffisamment ce que dit l'expérience, les lois expérimentales. Ben, c'est pourtant ce qu'Einstein est devenu plus tard dans sa carrière, c'est-à-dire qu'il se présente là lui-même comme un espèce de Don Quichotte, en fait, hein, qui cherche à battre certains moulins à vent des autres théoriciens et à construire un peu des théories très spéculatives, mais c'est sa façon de voir et il espère en tirer beaucoup, et en particulier indirectement, il espère qu'un jour viendra une solution du mystère quantique à travers cette approche, cette théorie unifiée. Alors, au crédit d'Einstein, personne n'a réussi depuis, même si on a rajouté quelques forces avec les interactions faibles et fortes et la formalisation du modèle standard dans les années 70. Personne n'a réussi. Un mot peut-être à Alain Aspect sur ce changement d'Einstein, de ce physicien qui d'un seul coup n'est plus intéressé que par la beauté de la forme et du concept unificateur au détriment finalement d'une réalité expérimentale ou d'une autre approche de la physique qui était celle de ses débuts. Oui, alors je crois qu'il faut quand même pas tout à fait exagérer, enfin peut-être que Olivier est beaucoup plus professionnel de l'histoire que moi, mais quand on lit quand même la correspondance entre Einstein et Max Born, quand on lit les textes que Einstein a écrits dans le volume Albert Einstein, Philosopher, Scientist, etc., on voit quand même que ce qui tourne autour de la localité, de la non-localité et du paradoxe EPR, ça va quand même le tracasser jusqu'au bout. Alors, comme dit Olivier, sans doute qu'il espérait, en réussissant à unifier, à avoir une grande unification, et sans doute qu'il espérait arriver à surmonter ces choses-là, mais ça le tracassait beaucoup, et je vais profiter de la dernière minute qui m'est accordée, parce qu'après vous allez me couper la parole. Oh non, jamais, c'est pas le genre de la maison. Voyons. C'est difficile, c'est allez-y, impossible. Je vous en prie. Alors, oui, je voudrais insister sur le fait que On a coutume de dire parfois que nos expériences ont démontré qu'Einstein avait tort. Formellement, c'est vrai, mais il faut donner un immense crédit à Einstein. Il a mis le doigt sur une propriété extraordinaire de la physique quantique, qui est cette propriété d'intrication, qui est aujourd'hui à la base d'un certain nombre d'espoirs sur les technologies quantiques, sur l'ordinateur quantique, sur la cryptographie quantique. C'est quand même en soulevant les problèmes extraordinaires posés par cette intrication que Einstein nous a mis sur la piste de ces développements formidables de la physique quantique actuelle. Donc je crois que, enfin, vous l'avez compris, j'ai une admiration sans borne pour Einstein, même si on peut dire que d'un certain côté, j'ai contribué à montrer que sur un point donné, il avait tort. Voilà. Et c'est intéressant, un mot pour conclure, Olivier Darigol, sur cette postérité d'Einstein. Je pense que tout le monde ici, je crois dans la communauté très vaste, si tant est qu'elle existe, des physiciens et des scientifiques, tout le monde reconnaît évidemment l'importance immense d'Einstein, de son apport théorique à la connaissance du monde. Peut-être un mot pour conclure sur le fait qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas que Alain Aspect, il y a encore énormément d'équipes qui travaillent à essayer de démonter les différentes théories d'Einstein par l'expérimentation, notamment le principe d'équivalence. On cherche les limites expérimentales de ces théories, aussi robustes soient-elles. Ah oui, ben de toute façon, bon, évidemment, tout continue à vivre dans l'œuvre d'Einstein aujourd'hui. Alors, toutes les conséquences de la relativité générale, et savoir à quel point elle est générale, justement, à quel point tester expérimentalement les différents principes qui sont à la base de la relativité, on continue à le faire. Et puis, en physique quantique, les réflexions continuent. Je pense que l'un des grands mérites d'Einstein, c'est d'avoir compris, en tout cas, qu'il n'y avait pas de solution simple à tous ces problèmes-là, et en particulier au problème quantique. Alors il a pu, comme le disait Alain, se tromper sur un point, mais au moins il y a une chose sur laquelle il ne s'est pas trompé, c'est qu'il a saisi, mais dès le départ, dès le début de son implication dans la physique quantique, qu'on avait affaire en fait à une nouveauté qui ne s'expliquerait pas par aucun moyen, par aucune solution simple, facile, bon marché. Et bon, la mécanique quantique à lui ne le satisfait pas telle quelle, mais il est vrai que même aujourd'hui, en fait, la mécanique quantique garde sa part de mystère. On n'a pas de consensus du tout sur la façon de l'interpréter. Et en tout cas, là-dessus, Einstein ne s'est pas trompé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication simple, compréhension simple, aussi simple du monde tel qu'Einstein nous l'a laissé et tel qu'il a contribué à sa compréhension et à son explication théorique. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus conclure cette série. Il aura fallu pas moins de 3 émissions pour évoquer les apports théoriques, scientifiques et la postérité scientifique d'Albert Einstein. Merci beaucoup Alain Aspect. On peut vous lire pour cet aspect des liens entre Albert Einstein et la mécanique quantique dans Albert Einstein et les révolutions quantiques. C'est au CNRS édition. Merci beaucoup également Olivier Darigol. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve-Étienne Dominaguet de Saint-Ville-France, Céline Lozen, Natacha Trio, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Dalia à la technique. Demain, c'est un vendredi fiction. Ils ont tour à tour été poulpeux, dotés de tripodes destructeurs, puis petits et verts avec des gros cerveaux, puis petits maigris avec de grands yeux noirs. Et aujourd'hui, à quoi ressemble le martien en 2021? Une bactérie mangeuse de chair, un être multicellulaire qui décime les occupants de la Station Spatiale Internationale. On parle de tout ça et des martiens sous toutes leurs formes demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.